Toi que j'ai connu en fac de droit, quand t'étais bien en magistrat, ça fait un peu travelot ta robe. Mais t'es pas dégonflé pour autant. La conscience, c'est ça l'important. D'ailleurs, un juge, c'est toujours probe. Ça ne reçoit jamais de pression. Ça prend tout seul ses décisions. Malgré les dossiers qu'on dérobe et sa légitime ambition, il y en a pourtant qui sont mutés. Il y en a même qui se font buter. Je suis curieux, dis-moi un peu. Un juge qui finit patriarche, décoré autant qu'on peut. Dis-moi un peu, comment ça marche? Un flic bourré dans un violon était seul avec un melon. Arabe et fauché, ça c'est grave. Le bic avait les mains liées derrière le dos. Et à ses pieds, son futal lui faisait entrave. La gueule de flic assermenté à son chef a tout raconté. Il provoquait, mais je suis brave. Pour le calmer, Je l'ai sulfaté. Ahmed est monté chez Allah. Alfred le flic est toujours là. Je suis curieux. Dis-moi un peu. Toi qui n'es pas du genre morvache, pour qu'un crime finisse en lieu. Dis-moi un peu. Eh bien, ça marche. On ne peut mieux. Faut toujours compter avec eux. Les chefs d'État courbent les chines. Ils tiennent l'Occident et l'Est. Les USA, l'URSS. On leur obéit même en Chine. Les pas d'accord comme Kennedy ou Allende sont refroidis. Il y aura la guerre, tu le devines. Quand ils voudront, et je prédis qu'ils seront seuls parmi les débris à ressurgir de leur abri. Partir très loin, conduire une arche, sceau d'amour sous d'autres cieux.